fais du sale. Escoute le bel, escoute le bel, escoute le bel. Y'a 4 ans que je peux faire confiance. Vers 16h des seins si ça chère. Bébé, je te promets des vacances. Mais en ce moment au quartier c'est chaud. Faut que j'arrive à sortir de la mer.